C'est la chronique du samedi matin avec Marc Diquet de Radio X Saguenay. On va parler de la NFL, mais je veux quand même, parce que j'en ai pas parlé avec Phil hier, Phil Desgagnés hier, mais c'est parce que j'ai entendu Marc hier à Radio X parler du stade olympique. Et Marc était un petit peu découragé qu'on mette de l'argent avec, là-dessus. Je suis très d'accord avec lui. Salut Marc! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, Marc. J'ai entendu hier à midi pile à Radio X, hier à Saguenay, mentionner que tu n'en revenais pas qu'on mettait de l'argent dans le stade olympique. Et je suis 400% d'accord avec toi. Pourquoi tu peux pas faire du neuf avec du vieux? Ben oui, puis je te dirais que c'est un peu ce que je pense du Saint-Georges Vézina Chicoutimi aussi. Ben ouais. Tu sais, une mannée, le stade olympique, c'est bien beau, c'est bien le fun. Sauf que, tu sais, mettre encore 250-300 millions dessus, si les coûts sont pas dépassés, évidemment, pour mettre un toit là-dessus, moi, je suis très... Puis, tu sais, on va mettre ça au clair, là. Peu importe que tu construises un nouveau stade de baseball ou pas, peu importe, là, je rentre même pas ça dans la balance, là. Juste le fait d'investir encore sur le stade olympique, parce que, tu sais, le démolir, c'est... On me dit que ça pourrait coûter 800 millions parce que t'as le métro de Montréal qui passe en tour. Fait que, tu sais, tu peux pas dynamiter ça. Tu peux pas. Tu sais, il faut que tu sois très prudent si tu démolis ça. Je sais pas si c'est une façon de le garder tel quel, juste l'entretenir. Mm. Mais mettre du 300 millions là-dessus, tabarouette. T'as demandé, faut pas charler, là. Ben non, c'est 300 millions. Faut que t'ajoutes un 30% parce que t'es au Québec. Là. Au Québec, t'es jamais capable de rentrer d'un coup. Fait que, il faut que tu rajoutes minimum un 30%. Juste l'appel d'offres, on parle de 8 millions. Ah, et tu sais, à quelque part, Marc, ça s'arrêtera pas là. Parce que je sais ce qu'on veut faire avec ça. On veut, c'est parce qu'on vise à présenter des matchs de la Coupe du Monde en 2026. Mais là, il va falloir que tu refasses la surface. Il va falloir que tu. Les sièges qui sont dépassés, ça ressemble à des sièges de musée. Tu sais, ça finira plus. Puis ça reste que c'est toujours du vieux. Tu sais. Ouais. Ben Danny, il y en a qui vont dire que le stade olympique, c'est un monument historique. Ça se peut. Tu sais, je veux dire, c'est discutable, là. Mais de là à investir des 300 millions encore, je suis pas sûr. Non. Tu sais, la Coupe du monde de soccer à Montréal. Pour deux matchs? La Coupe du monde de soccer en 2026, on va. Pour deux matchs, peut-être. Ben, tu sais, pour deux games. Là, puis, je mets pas en doute la popularité du soccer en Amérique du Nord, là. Si tu me dis que t'es capable d'avoir le tournoi complet, hey, t'as peur, là. Ouais, une grosse partie, il va être le premier content, mais tu sais, ça va être deux matchs. Ouais, deux matchs, puis à part ça, Et ceux-là qui disent, oui, mais les expos, s'ils reviennent, c'est là. Oublie, dont la mairesse qui est contente, puis qui avoue du baseball là-dedans. C'est un an ou deux, c'est correct, mais oublie ça, Marc, on est allé aux États-Unis toutes les deux. On a vu des matchs aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec le stade olympique. Ça n'a rien à voir. Écoute. Tu sais, il y a des soirées, moi je suis allé il y a deux ans à Cleveland, puis c'était à Détroit à Cleveland, il n'y avait pas juste le match de baseball, c'était un happening, t'as des feux d'artifice après le match, c'est vraiment une soirée familiale, tu peux pas faire ça au stade olympique, oubliez ça. Il est désuet le stade, c'est compliqué, il est désuet, puis ça c'est comme tu le dis, ça peut être un stade de transition sans problème. Ouais. Mais effectivement, ça va avoir un nouveau stade. Puis, tu sais, donc chez moi, le stade couvert à Montréal, là. Rétracteur. Je veux dire. Ben non, puis tu vas commencer à jouer sur la route. Puis, ce sera pas si pire que ça non plus. Mais par contre, si jamais il y a le dossier des expos, ça prend un stade rétractable. Il y a aucun doute là-dessus. Parce que pourquoi, là? Écoute, t'es au Québec, là. Ça prend un stade vraiment avec un toit rétractable. En tous les cas, ça va se faire pareil. Je suis quand même. C'est de la folie. C'est le Québec. Si tu veux, je te le dis. On verra. Ouais. Hey, NFL, as-tu vu les équipements des Seahawks de Seattle jeudi soir? Les couleurs, tu veux dire? Ouais, les couleurs. Ouais, ben j'ai vu ça. Ça me rappelait. Les Thunder d'Orlando. Ben exactement. La belle époque de la Ligue mondiale, ça me rappelait ça un peu. Mais tu sais, moi, je déteste pas. Celui-là des Seahawks, c'est assez spécial, là, mais le jeudi, côté marketing, on a mis des couleurs, il appelle ça Color Rush, et il y a des chandails là-dedans qui se vendent quand même bien. Je sais que les Bengals, entre autres, en ont un blanc, alors que blanc, c'est pas dans leur couleur pantoute, qui est blanc et noir, qui est magnifique. Celui-là des Pats, c'est beau. Celui-là des Buccaneers, je trouve beau. Mais celui-là des Seahawks, c'est vrai que ça fait... Ça ferait à New Kids on the Block 90 pas mal, là, je te dirais. Là, on se le cachera pas. Là, ça... Parce que les Thunder d'Orlando, dans la Ligue mondiale, dans le temps de la machine de Montréal, c'était ça. Là. C'était carrément comme ça. Là. Ah ouais. Jaune fluo. C'était... c'était correct dans le temps. Là. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que c'était très, très en mode. Hey Marc, en parlant des Seahawks, moi, je les ai prédits, je les ai mis pour aller au Super Bowl. Quelle lourde perte. Richard Sherman. Ah, écoute, ben, c'est ton pilier. C'est ton pilier en défensive. C'est pas ton pilier. Là. C'est vraiment une très, très lourde perte. C'est un des joueurs qui dérange le plus l'équipe adverse. C'est un des joueurs les plus intenses de la NFL. C'est un des joueurs que tu adores s'il est pour toi, que tu détestes à mourir s'il est pour l'autre équipe. Puis, tu sais, les Seahawks, moi, honnêtement, je trouve que cette équipe-là est irrégulière. Tu sais, ils ont des performances depuis le début de l'année en date. Tu sais, la game contre les Texans de Houston, wow, tabarouette. Après ça, tu t'en vas perdre contre Washington. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Les Redskins, c'est pas une mauvaise équipe, mais de là à la maison en plus. Puis, tu sais, ça m'a déçu un peu cette défaite-là. Puis là, tu perds Sherman, j'ai l'impression que ça va être tough là, pour les Seahawks. Parce que, puis l'attaque des Seahawks est irrégulière aussi. Ah ouais. Ça va être. Pour ma prédiction, là, je pense que les Steelers, je suis encore dedans, je suis encore dans le coup, mais tu regardes ça, là. Tu regardes les prédictions. Beaucoup de monde avait dit les Packers de Green Bay dans la Nationale. Ouais. Mais tu regardes aller, il est encore trop tôt pour se prononcer. Qui aurait prédit que les Eagles de Philadelphie seraient une équipe aspirante au Super Bowl? Je pense qu'il va arriver de quoi? Qui aurait dit que les Saints de Nouvelle-Orléans seraient une équipe également à surveiller? Pas personne, non? Les Steelers, les Packers. J'ai même hésité entre les Seahawks et les Giants de New York. Danny, les Rams. Moi, les Rams, oui, les Rams. Oui, les gars, ouais, c'est formidable. Moi, les Rams, c'est ma surprise cette année. Là. Ouais. Dans le National. Dans l'American, c'est pas mal pareil. C'est pas mal comme on avait prédit, hein? Ben, pour le reste, ça peut se ressembler un peu. Effectivement, t'as raison. J'ai le classement devant moi, là. Oakland, c'est une déception tant que moi. Ouais. Mais pour le reste, effectivement, les Bills, on a eu un beau début de saison. J'ai hâte de voir contre les Saints de Nouvelle-Orléans. C'est le match, à mon avis. À mon avis, Danny, c'est le match le plus intéressant de la semaine. Ah oui, c'est définitivement. Là. C'est définitivement. Les Saints qui. On a parlé un peu. Les Saints, Marc, par les années passées, il n'y avait pas de défensive. Mais là, il y a une défensive très, très potable. Et Drew Brees ne vieillit pas. Drew Brees ne vieillit pas. Non, Drew Brees ne vieillit pas. Donc, ça, c'est le match. Puis les Bills, ben, j'ai hâte de voir demain comment ils vont bondir suite à leur défaite contre les Jets de New York. Ils n'étaient pas là du tout. Là. Non, puis une chose qui va jouer en faveur, puis ça fait old school faire une déclaration comme ça, mais je m'en fous, moi, le faire pareil. La météo. Ouais. Tu sais, les Saints, c'est pas une équipe qui évolue régulièrement à des conditions assez froides, là. Ouais. Donc, tu sais, contre les Bills à Buffalo, je sais pas ça sera quoi la météo demain à Buffalo, mais on pourrait peut-être tirer avantage de ça, mais tu sais, moi, Tyrod Taylor, tu sais, il est trop bon pour être deuxième, ouais. Puis je suis pas encore certain que c'est un carrière de... C'est un premier carrière. Je ne suis pas encore certain de ça. Non, c'est un peu comme je disais dans les Canadiens, un genre de Kevin Glenn. Trop bon pour être premier, pas assez bon pour être deux. Trop bon pour être deuxième, puis pas assez bon pour être premier. Tu sais, hein, juste entre les deux, là. Ah non, je suis d'accord avec toi là-dessus à 100 000 à l'heure. Ouais. Aussi, y a-tu d'autres matchs à surveiller, peut-être? Bon, je te dirais. Tu sais, regarde, Texans Rams, là, ça pourrait être un super de bon match. Packers Bears, ça pourrait être un super de bon match. Maintenant qu'il y a des équipes, ça c'est bien personnel, puis il y a du monde qui n'aimeront pas ce que je vais dire. Maintenant qu'il y a des équipes, Danny, qui ne voudront pas, qui vont faire la tête de cochon envers Colin Kaepernick. Ah, c'est crever. Ben, les Texans et les Packers, là hey, quand j'ai vu que les Texans ont signé Josh Johnson. Et T.J. Yates. J'ai failli m'évanouir. J'ai failli. Les Packers avec Conley, je m'excuse, là, mais ça ira nulle part. Ça ira absolument nulle part. Puis moi, honnêtement, je suis. Tu sais, c'est bien beau l'orgueil, là, puis, tu sais, il y a des joueurs de la NFL, là, qui ont tiré du gun dans des bars, qui ont fait de la poudre avec des danseuses, qui ont chauffé le sou, qui ont battu leur femme, sont là, c'est correct. Colin Kaepernick, lui, il a mis le genou par la Ligue nationale, puis il y a eu des propos politiques, pas menaçants, là, il y a eu ses propos à lui, puis il est boycotté. À un moment donné, là, faut arrêter, t'as des équipes, t'as Barouette, qui aspirent à faire les séries encore, puis qu'à cause de Kaepernick, il y a un omerta sur lui... ben, tu vas vivre avec des carrières de troisième, de deuxième, puis des fois de troisième ordre. Crevé, tabarouette. Ben c'est, oui. Pis, les blessures cette année, c'est terrible. Hein. Ça te démontre, Marc, à quelque part, comment il y a eu de l'hypocrisie dans le dossier au début de l'année. Tu sais, quand tu voyais les propriétaires, tu voyais mon Jerry Jones, tu voyais tout s'agenouiller. L'hymne national, il y avait beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Ben oui. Puis parlant des Cowboys, là, Ezekiel Elliott, on ne verra pas du mois. Là. Ça, finalement, c'est dans le béton. Demain, contre les Falcons, oubliez ça. Ezekiel Elliott ne sera pas en uniforme. Ne joue aucun match au mois de novembre. On s'en va le 1er décembre en appel. Peut-être pourra jouer en décembre en série, mais en novembre, il ne sera pas là. Sinon, on le fasse aussi. Oui, effectivement. Donc, puis j'ai hâte de voir demain contre les Falcons d'Atlanta. C'est McFadden qui devrait être le vétéran Darren McFadden qui devrait être le porteur de ballon numéro 1. Ouais. J'ai hâte de voir. Mais tu sais, ils ont quand même une bonne ligne à l'attaque, les gars. Ils ont une très, très bonne ligne à l'attaque, ce qui devrait quelque part les aider là, pour pallier pour l'absence d'Ezekiel Elliott. Absolument. Ouais. Puis les Falcons, c'est une équipe demain qu'il faut qu'ils en profitent. Les Falcons, dans leurs 5 derniers matchs, une victoire, 4 défaites. Ils ont plus de talent que ça. À mon avis, ils ont beaucoup plus de talent que ça. Il faut qu'ils en profitent. Oui, effectivement. Marc, on s'en reparle samedi prochain, mais même pas, c'est pour la chronique de la NFL. Avec plaisir. Notre collaborateur, Marc Diquet.